On a fait un rêve, Babs Démo, pour tous les ghettos français. Babs Fino. De quoi je rêve, c'est de m'en sortir. C'est vrai. De quoi je rêve, de ne plus jamais voir deux frères partir. De quoi je rêve, que ce monde cesse de s'anéantir. De quoi je rêve, que nos parents vivent toujours meilleurs. De quoi je rêve, de voir de loin ces maisons d'arrêt. De quoi je rêve, d'un parlement le noir serait un député. De quoi je rêve, d'un jour où on sera intégré. De quoi je rêve, d'un commissariat sans fil corrompu. De quoi je rêve, que vous soyez incarcéré. De quoi je rêve, juste apercevoir la lueur de l'espoir. De quoi je rêve, de jamais voir Sarko au pouvoir. De quoi je rêve, d'une baffe à l'exclusion qu'il faut. De quoi je rêve, d'un stop au racisme, c'est ça. De quoi je rêve, de briller dans la France entière. De quoi je rêve, de pouvoir vivre sans discrimination. De quoi je rêve, de quoi je rêve. On a fait un rêve, Babs Démo, pour tous les ghettos français, oh là oh là. On a fait un rêve, Babs Démo, pour tous les ghettos français, oh là oh là. Chanter les rêves sonne, Martin Luther King. Aucune trêve dans ma rime, ça cogne sur le ring. Ça fouette l'engagement du 100% indépendant. Des patates sur les plaies, fait gicler le sang abondamment. Cérébral, hémorragie, comme sur Charonne, la mort agit. Que les Charonnes crèvent sous mes cris. Des bombes, des missiles, comme en Palestine. La paix s'exige dans le monde comme Yitzhak Rabin. La vie, un faux film, crime, suicide, infanticide ou génocide. À quoi servent les rêves s'ils sont impossibles? Face à l'oppression, j'ai pas le pesticide. De toutes leurs actions, j'ai l'inspinocide. Mon champ de bataille reste bien hostile. Le thème schlingue, l'utopie, l'encre des zombies. Pour figure de style, la haine mon flingue sur la tempe de l'institution. Des crampes dans mes convictions, je rêve, révolution. On a fait un rêve, Babs Démo, pour tous les ghettos français, oh là oh là. On a fait un rêve, Babs Démo, pour tous les ghettos français, oh là oh là. Démo, dealer, personne nous empêchera de rêver. Personne, j'avancerai le poids levé pour guider mon posse. De quoi je rêve, des packs français. De quoi je rêve, balayer ces faux MC. C'est ça, Babs, rien à foutre de leurs entraves sur ma route. Je viens péter leur barrage, époque sarkozienne va goûter à ma rage. Glauque oxygène, mes rêves sont trop vagues. Mes rêves, c'était construit à la CJ, en HLM. On m'a enlevé la plupart de mes droits, mais pas mes rêves. De quoi je rêve, de la météorite face à l'oppression.